Musique horrible. César. Bonsoir. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Timbs and black hoodies. God'll probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's two. Who's to blame for both of them? I swear to God I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum till my head threaten to pull shit. And squeeze until the bed's completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God I feel like death is fucking calling me. But nah, you wouldn't understand. You see, it's kinda like the crack did the Pookie and New Jack. Except when I cross over, it ain't no coming back. Should I die on the train track like Rainbow and Beach Street? People at the funeral fronting like they miss me. My baby mama kissed me, but she glad I'm gone. She know me and her sister had something going on. I reached my peak, I can't speak. Call my nigga Cheek, tell him that my will is weak. I'm sick of niggas lying, I'm sick of bitches hawking. Matter of fact, sick of talking. Yo, what you doing over there? I'm gonna take this one. Ow! Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. All right, Puffy, you gotta tell me like, I gotta. Bonsoir et bienvenue sur Musique Horrible, le rituel radiophonique pour la seconde moitié de la nuit, et toujours en faveur du massacre des canetons, si c'est à but créatif. Car ici nous avons de l'humour, mais aussi nous aimons l'art. Vous venez tout juste d'écouter en première partie un remix par Nocturus de Suicidal Thoughts, interprété à l'origine par Notorious B.I.G. Chanson devenue célèbre dans la version remixée, grâce au phénomène de la Sad Simpson Wave, dont je ne vous parlerai pas davantage, car certains secrets d'Internet meurent quand on en dit trop. Juste après cette ouverture, la seconde piste, c'était Explosion at the Football Stadium in the City of Grozny, Killing the Chechen Republic, Mufti, Akhmat Kadyrov. Chanson des Polacks de BNNT. À l'origine, c'était un duo qui s'est donné à des bombardements auditifs. Cela consistait en choper un van et d'aller sur un lieu public. Puis, très rapidement, installer une batterie amplifiée sur le van, ainsi qu'une basse modifiée, ressemblant à un missile. Ensuite, jouer aussi fort que putain de possible, pour troubler l'ordre public. Ce sur fond de militantisme nihiliste en blanchir les cheveux des quarantenaires. Enfin, fuir dans le van aussi vite que possible avant l'arrivée des Condés, en direction du prochain lieu public à dévaster. Moi, César, votre hôte, grave-le. J'adore les bombardements auditifs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est une grande émission et j'ai prévu une petite histoire pour vous tous plus tard, où vous allez découvrir que j'ai des amis, un mal pour un bien. Mais avant cela, je vous propose un petit jeu. Je vais vous faire écouter deux chansons et j'aimerais que nous fassions un vote. Qu'est-ce qui est le plus horrible ? De faire quelque chose de phénoménalement triste avec la subtilité d'un pauvre de France. Ou de faire un truc qui overdose la joie jusqu'à ce qu'elle en devienne destructrice. Dites-moi. Et faisons de la place à notre duel des émotions bouleversifiantes. Ding ding ! L'handicapé contre l'assassin. Deux classiques horribles des années 70. Lequel est le pire ? Je me déciderai à la fin. Le premier à passer est donc L'handicapé de Paolo de Domoy en 1979. Donc, faisons place à l'handicapé, mais elle-même le dit, elle ne peut pas marcher. Mais tu es mon enfant, toujours je t'aimerai, tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère, c'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit, je te garderai toute la vie. Mmh. J'ai parfois la peine au cœur. Je ne veux pas de malheur. Tous les enfants jouent en riant. Je les regarde en pleurant. Je voudrais aller jouer. Mais je ne peux pas marcher. Tu es une enfant handicapée. Mais tu es mon enfant. Toujours je t'aimerai. Tu es mon petit ange. Ce n'est pas toi ma colère. C'est sur cette vie de calvaire. Tu seras toujours mon petit. Je te garderai toute la vie. Les enfants handicapés. Stop. La chanson finit sur une note heureuse. Ça serait beaucoup trop crade. Donc, non. Maintenant, la contre-proposition à ces lamentations d'hommes moustachus et de fils en jambes. De l'autre côté du ring, les hurlements de joie infectes des Rallyes dénudés. En 1977, avec la nuit de l'assassin. Une fois de plus, lequel de ces deux univers, entre tristesse provinciale abusée et coulétude agressivement inécoutable, est le plus horrible et fucked up? Le fait de sourire est-il digne d'une musique horrible? Je pense que oui. Écoutez maintenant, Night of the Assassin, comparons. Revenons. Et un dernier conseil. Montez le son. We'll be right back.

Les drogues dures amènent le bonheur beaucoup trop loin, n'est-ce pas? Donc, après cet affrontement, lequel est le pire? Dites-moi, en gribouillant à l'adresse musique.horrible@gmail.com, l'adresse mail pour ceux qui attendent que le vide leur réponde. Quoi qu'il en soit, ce qui vous intéresse vraiment, c'est mon opinion, j'imagine. Donc, pour moi, César, la réponse est... les débuts de la musique électronique. Ha. Ha, ha. Bon, passé tous ces sons de l'enfer et cette compétition, nous arrivons à la moitié de l'émission. Pour les gaillards qui ne le savent pas, ceci signifie qu'il est temps pour nous d'inverser la logique de cette émission en vous faisant faire écouter un morceau heureux. Heureux dans le sens simple du terme, pas heureux horrible, comme les ralises dénudées. Comme ça. Même ceux qui cherchent le malheur sont trahis par cette émission. Bref, j'ai cherché très loin, et j'ai découvert récemment ce morceau dégoûtant. Il s'agit de Don't Worry, Be Happy, interprété par Bobby McFerrin. Je vous souhaite du bonheur, tandis que je vais, pour la première fois, écoutez une de ces fameuses chansons heureuses de la mi-émission. Voyons voir ce que c'est que le bonheur. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Be worried, don't be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it up. Be worried, don't be happy. Be worried, don't be happy now. Don't happy. place to lay your head. Somebody came and took your bed. Be worried, don't happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Be worried, don't happy. Look at me, I'm happy. My phone number, when you worry, call me, I know you have it. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but be worried, don't happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So be worried, don't have me. Be worried, don't have me. Be worried, don't have me. Be worried, don't have me. Don't have it. Be worried. Don't do it. Don't have it. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Be worried. It will soon pass, whatever it is. Be worried. Oh mon Dieu! Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Notre petit condensé de joie est devenu une truie colossale et puante dont les tétons ont pris le goût âcre des lèvres d'un vieux con. La chanson est devenue Be worry, don't happy. De la part de moi, César, et de toute l'équipe de Musique Horrible, composée de moi, César, nous sommes profondément désolés de vous avoir dérobé de votre unique occasion de sourire ce soir. Nous savons que la plupart d'entre vous sont maintenant partis dans la rue, dans les villages, sûrement en colère et à la recherche de petits-enfants auxquels péter la nuque. Crac. Mais attendez. Je vais trouver une solution. Pour ceux qui sont encore là, tout d'abord, ne cassez pas les nuques des petits-enfants, car c'est mauvais pour le goût. Il faut les laisser chialer 8 minutes d'abord. Ensuite, afin d'apaiser les mœurs, je vous propose d'écouter quelque chose de profondément chaleureux. Ce, tout en restant dans les idéaux proprement catastrophiques et cinglants de musique horrible. C'est-à-dire, vous faire passer une mauvaise soirée. Il s'agit d'un enregistrement de terrain de Dan Gibson, explorateur sonore injustement oublié dans les bacs à disques de ces connards New Age. L'enregistrement en question, ou plutôt le collage d'enregistrement, est Storm on Wilderness Lake. L'orage sur le lac sauvage. Nous pourrons y entendre le son réconfortant de la planète Terre, éternellement plus puissante et plus menaçante que l'homme. À tout de suite. C'était donc un extrait de Storm on Wilderness Lake de Dan Gibson. Entendre le tonnerre quand on est enfant est la plus belle peur que l'on peut connaître de toute sa vie. Mais quand on grandit, cette histoire prend un autre sens. Je me rappelle alors qu'une fois, moi, César, j'eus passé une nuit spéciale avec un groupe de salauds maléfiques, appelés Fripouille, Macroniste, Le Mort et Pervers sans amour. C'étaient mes amis. La journée avait été plus lourde que l'humour d'un youtubeur et plus moite qu'un fan de Lovecraft. Ces deux mauvais signes ne pouvaient annoncer qu'une chose, un orage incroyable passé le coucher du soleil, et ça n'a pas chômé. Alors qu'on venait tout juste de terminer le saucisson et toutes les bières, d'un seul coup, le premier éclair explose et il se met à dracher des hallebardes. La pluie tombait autant à la verticale qu'à l'horizontale, tandis que chaque goutte illuminait le soir en reflétant les rayons de la lune. Un vrai temps de chiottes, réservé aux rêveurs et aux suicidaires. Nous, on faisait partie de la seconde catégorie, celle qui sort dehors pour sentir la foudre. Je crois que c'est même Pervers sans amour qui fut le premier à proposer qu'on se casse checker ça. Le Mort et Fripouille ont foncé sur l'occasion de suite, et moi, César, je fis de même, mais en bandant silencieusement à l'idée de cette chasse aux éclairs. Enfin, Macroniste était, comme d'habitude, un peu en retrait. Il filmait qu'il disait toujours. Après un certain moment, nous arrivâmes à la croisée des chemins, au beau milieu de champs en jachère. Une vue classique dans le 78. Et la pluie se calmait un petit peu pour couronner le tout, mais les éclairs continuaient. Et là, on s'est tenu un peu, et on a attendu. On regardait les beaux orages, un petit peu partout autour de nous, sentant l'air épais, de la terre et du ciel. C'était cool et joli. Puis, d'un seul coup, on vit tous en même temps un portail, un cylindre d'électricité pure et gigantesque, et je ne parle pas d'un éclair, ces petites choses fines et blanches, mais je parle bien d'un putain de cylindre de foudre jaune et acérée qui venait de choquer le sol à plusieurs kilomètres devant nous, de manière parfaitement verticale, comme un angle droit, et sur un diamètre dense de 10 mètres d'épaisseur. C'était comme si, pendant une seconde, le ciel venait de chier l'une des colonnes porteuses qui lui permettent de tenir en place. Quand on a vu ça, on a tous gueulé et hurlé en même temps. Waouh. Puis tout de suite après, on a cherché à se rassurer. Tu l'as bien vu, le mort? Oui, pervers sans amour. C'était un putain de cylindre de foudre épais comme la pointe de la tour Eiffel qui vient de sonner le sol devant moi. Et ainsi de suite. Et en confrontant nos témoignages, on pouvait en être sûr. On avait tous vu la même chose. Fripouille jubilait et sautillait. Macroniste était juste bouche bée, comme perdu. Pervers sans amour répétait « Oh putain » sans s'arrêter. « Oh putain, oh putain, oh putain !» Et le mort ricanait silencieusement. Et quant à moi, César. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est qu'on ait tous vu la même chose. C'est ce qui rend cette histoire réelle. On ne pouvait pas juste secouer ce qui venait de se passer comme si c'était un rêve absurde ou un sale cauchemar. Non. Et tous, nous devions maintenant continuer avec cet impossible magique, mais bien réel, que la Terre venait de nous lancer avec fracas et violence. Tellement d'ailleurs que je ne sais même plus si le cylindre avait grondé après être tombé. Ce dont je me souviens surtout, c'est le moment où il est tombé. Et où tout le monde, le mort, pervers sans amour, fripouille, macroniste et moi, on avait tous gueulé et hurlé. À cette seconde-là, en vrai, ce qui avait explosé en nous, ce n'était pas nos cordes vocales. C'était de la peur. Et ce n'était plus la saine peur de l'enfance face à la colère de l'orage, non. Dans ce monde où on vous dira qu'un cylindre de foudre géant et parfait est impossible, la peur qui avait cristallisé nos cœurs ce soir-là, c'était la peur que la réalité, ce phénomène électrique qu'on a tous vu de nos yeux vus, sous ce temps de chiottes, que cette chose ne soit trop violente, immense, mystérieuse et incroyable pour que nous osions y croire. C'était la peur du vrai. La peur du vrai que nous sommes tentés de faire glisser dans le rêve ou le cauchemar pour nous protéger, dès lors qu'il prend un visage aussi peu familier que ce cylindre. C'était la peur de l'impossible. Quand il devient violemment possible. C'est la peur des adultes. Ensemble, on a pu la dépasser ce soir-là. Mais quand on découvre une peur comme celle-là, on sait qu'elle va nous suivre. Et donc depuis, le gang de salauds garde à l'esprit une chose qu'aucune cuite et qu'aucune lucidité ne pourra nous voler. Le cylindre de foudre, cette manifestation mortelle, déchaînée, gigantesque et bien terrestre, était réelle. Et jamais la peur des adultes ne pourra nous voler ça. Le plot twist maintenant de toute cette histoire, c'est que je suis, depuis le début, intégralement tout nu. Je vous laisse deviner où ça descend. Pour citer le poète et philosophe Gérard Depardieu, être sauvage, c'est se fondre dans la nature. Et depuis l'enregistrement précédent, j'ai retiré mes vêtements et les poils de mes entrecuisseaux caressent le tissu des beaux sièges du studio. Je me fonds dans le studio. Devant tant de décadence, et suite à une petite histoire pour dormir, je vous propose de finir cette soirée horrible, toujours tout nu, sur des musiques horribles, elles-mêmes toutes nues. D'abord, pour célébrer le cylindre, nous commençons par le black metal de Limpin avec Emanation from a Broken Sky's Womb, ou les émanations de l'utérus d'un ciel brisé. Ensuite, pour célébrer nous, les salauds maléfiques, Sad Redux Ographa, des Xuxiu, ou l'un des rares groupes à être allé sous ma peau. De mon corps nu, je vous fais un câlin. Maintenant fermez-la et déshabillez-vous tout de suite. Bonne nuit, pervers sans amour, le mort, fripouille, macroniste. Et à bientôt sur Musique Horrible. Bonne nuit. Thank you. my time to shine, to not get it. My luck finally turned. He said it did not cost me anything!